إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on commence aujourd'hui, alhamdulillah, un nouveau dars qui fait partie des cours du programme de l'été qu'on fait à la mosquée de Nourain. Et donc il y aura des cours réguliers tous les jours, inshallah. Les cours, la plupart seront avant le dhuhr et après le maghrib, du lundi au vendredi. Sauf que le vendredi, après le Jumu'ah, ce sera après le Jumu'ah comme aujourd'hui. Et le jeudi, ce sera après le dhuhr au lieu d'être avant le dhuhr. Mais les cours du samedi et dimanche seront après Salat al-Asr, Inch'Allah. Et puis aussi après le Maghreb. Donc on va essayer de profiter le plus possible du temps libre et des temps qu'on a pour les vacances, pour essayer de profiter et de faire le plus de cours possible pour y profiter du temps que Allah nous donne, le temps libre. Alhamdulillah. Donc le livre qu'on commence aujourd'hui, c'est un livre très intéressant. Et le titre de ce livre, c'est « Al-Madkhalu ila ilm al-fiqh », c'est-à-dire « L'introduction à la science du fiqh ».« Al-fiqh, usuluhu, masadiruhu, wa mazayahu ». Donc, il parle du fiqh, de ses fondements, de ses références et de ses particularités. Et il parle également dedans... L'auteur parle également dedans des quatre mazahib al-fiqhiyya. L'auteur de ce livre, c'est Al-Ma'ali al-Ustaz al-Doktor Sulayman ibn Abdullah ibn Hamoud Abal Khayl, Moudir Jami'at al-Imam Muhammad ibn Saoud al-Islamiyya. Et c'est un cheikh parmi les mashaykhs salafiyin qui est très connu. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, on va donc commencer tout de suite avec l'introduction. Premièrement, on pourrait juste spécifier ou mentionner que le livre, il est divisé en quelques mabahith, plusieurs sujets de recherche principale. Et c'est, laissez-moi je vérifier, c'est trois mabahith. المبحث الأول في تعريف الفقه ومصادره ومميزاته c'est-à-dire la définition du fiqh, ses références et ses particularités. Et dans ce premier champ, si on veut, dans ce premier champ d'étude dans la recherche ou dans l'écrit du cheikh, il parle les points suivants. المطلب الأول والثاني والثالث. Donc il y a trois points qui sont traités dans cette première partie. C'est la définition du fiqh. Deuxièmement, les références du fiqh. Et troisièmement, les particularités du fiqh. Deuxième point de recherche, فَلِجْتِهَادُ وَأَسْبَابِ الْإِخْتِلَافِ فَلِجْتِهَادُ وَأَسْبَابِ الْإِخْتِلَافِ الْفُقَهَا. Le deuxième point de recherche dans ce livre, c'est la question de l'ijtihad, le fait de faire des jugements basés sur l'analogie et sur les preuves de la charia et les principes et les fondements de la charia pour atteindre un verdict sur lequel il n'y a pas un texte clair et explicite, et d'essayer de trouver le bon verdict qui est relié à une question nouvelle ou à quelque chose qui se présente. Ce qu'on appelle l'ijtihad, le fait de faire un effort pour atteindre la vérité dans des questions comme ça. Et les causes qui amènent à la divergence entre les savants de fiqh. Donc dans ce chapitre, il y a deux points qui sont mentionnés, ou qui sont étudiés. Le premier, c'est al-ijtihad, qu'est-ce que ça signifie, et la description de l'ijtihad. Et le deuxième, asbab ikhtilaf al-fuqaha, les causes des divergences entre les fuqaha. Ça, c'est un sujet très important et très intéressant aussi. On va en parler, inshallah, lorsqu'on sera rendu là. Al-mabhath al-thalith, le troisième champ de recherche dans cet écrit, c'est يعني العصور التي مر بها الفقه والمذاهب الفقهية الأربعة. Donc il va parler ici de l'époque et des périodes par lesquelles le fiqh islamique est passé, et les différentes étapes, les différentes époques, et il va parler également des quatre madhahib de fiqh qui sont très célèbres. Le madhhab al-Hanafi, al-Maliki, al-Shafi'i, al-Hanbali. Il va expliquer une courte biographie de chacun de ces imams et yani, les choses les plus importantes à connaître sur ces madhhab. Et en même temps, bon, ça clarifiera certaines ambiguïtés que certains ont par rapport à ces questions. Donc, on commence donc tout de suite, inshallah. Fait tarif al-fiqh, la définition du fiqh. Premièrement, luratan, selon la définition de la langue, dans la langue arabe, qu'est-ce que signifie le mot fiqh? Le cheikh il dit, tout la peau, luratan, lafzat al-fiqh, ou yuradu bihi, ou yuradu biha, al-fahm. فالفاء والقاف والهاء أصل واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به والعلم به. Donc le cheikh il dit, يقال فقه فالكسر لمطلق الفهم والضم فقه إذا كان له سجية والفتح فقه إذا ظهر على غيره وتقول فقهت الحديث أفقهه أي فهمته أو فهمته سواء كان الفهم دقيقا أو سطحيا ويقال تفقه الرجل تفقها أي تعاطى الفقه ومنه قوله تعالى لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Donc le cheikh il explique que dans la langue arabe, le mot fiqh, on peut vouloir dire par ce mot-là la compréhension. Et on peut, il peut avoir donc ce sens-là, puis d'autres sens qui sont rapprochés à ça. Et c'est un mot dont la racine est composée des trois lettres, le fa, le qaf et le ha, faqiha, on peut dire faqiha et on peut dire faqaha, et on peut dire faqaha. Et les trois ont une différente signification selon le dhabt, selon le dhabt de du mot, selon comment on met les voyelles sur le qaf. Et avec le kasra, ça veut dire le fait de comprendre, faqiha. Avec le dham, ad-dhamma, yani faquha, idha kana lahu sajiyya. Et il dit, wal-fath idha zahara ala ghayrihi. Si c'est quelque chose qui est apparent sur quelqu'un d'autre, faqaha. Donc tu dis par exemple, faqahtu al-hadith. Afqahuhu. Yani j'ai compris le hadith, hein, et je l'ai compris. Ay fahimtuhu. C'est la même, c'est synonyme de dire fahimtu. Faqahtu, n'am. Fahimtu, c'est synonyme. Donc al-fahm ou al-faqh ou al-fahm ou al-fiqh, c'est synonyme. Donc peu importe que la compréhension soit subtile et très profonde ou détaillée, ou bien qu'elle soit une compréhension superficielle. Tafaqqaha ar-rajul tafaqquhan, on dit tafaqqaha d'une personne qui a reçu la compréhension, on dit tafaqqaha. Et de là est tiré, on peut donner comme exemple de ça le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit liyatafaqahu fi ad-din, dans sourate Tawbah, le verset 122, pour qu'il puisse obtenir la compréhension de la religion. Wa qad waradat fi hadhihi al-lafdhah bil-ma'na as-sabiq fi 'adad min al-ayat wa al-ahadith, wa minha qawluhu ta'ala qalu ya shu'aybu ma nafqahu kathiran mimma taqul. Donc ça c'est dans le verset 91 dans Sourat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la parole du peuple de Shu'aib, qui dit « Oh Shu'aib, nous ne comprenons pas beaucoup de ce que tu dis. Hein? Nous ne comprenons pas beaucoup de ce que tu dis. » Et il mentionne également un autre verset, qui est le verset 78 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا لِهَا أُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Et donc ce qui signifie, et qu'ont donc ceux-là à ne pas comprendre la parole. Et le verset également 27 et 28 dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي. Dénie le nœud de ma langue pour qu'il puisse comprendre ma parole. Naam. 5h30. Il dit وفي قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله عنه اللهم فقهه في الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين ورب حامل فقه ليس بفقيه. Donc le cheikh il mentionne des hadiths également, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua pour Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, où Allah donne lui la compréhension de la religion, yani faqihu fid-din. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih. Également le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Allah veut du bien pour un serviteur, il lui donne la compréhension de la religion, rapporté par Al-Bukhari dans Kitab al-Ilm, selon Muawiyah radiyallahu anhu, Et dans un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il se peut qu'une personne qui porte de la science, elle n'a pas de compréhension. Elle ne fait pas partie de ceux qui comprennent. Donc il est possible que cette personne, elle possède avec elle de la science, mais elle la comprenne pas elle-même. Rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad, selon Zayd ibn Thabit, et Abu Daoud également dans son Sunan, également rapporté selon Zayd ibn Thabit dans le chapitre Fadlu Nashr al-Ilm, Kitab al-Ilm. Ensuite, selon l'istilah, selon la définition terminologique qui est employée par les ulama de fiqh pour définir cette science et ce domaine de la science islamique, il y en a plusieurs définitions qui ont été mentionnées dans les livres, mais la plus complète, la plus connue, c'est, parce que le cheikh il en mentionne plusieurs, mais on va se limiter à lire ou à mentionner celle que le cheikh a donnée ou mentionnée comme étant la plus complète et la plus correcte pour la plupart des ulama. C'est la définition qui dit al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya al-ilmiyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya. C'est-à-dire, on répète, al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyati al-'amaliyyati. Non, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit al-ilmiyya, c'est al-'amaliyya. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. نعم. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la science de la connaissance des règles de la charia. Hein, la science des règles de la charia. Ou bien, on pourrait dire, la science des règles pratiques de la charia qui sont acquises de ces preuves détaillées. D'accord? C'est ça la définition la plus complète, si on veut, de la science du fiqh. D'accord. Donc, l'explication de cette définition. Premièrement, il dit « Wa qawluna al-ilm didduhu al-jahl bi-anwa'ihi wa huwa idraku al-shay على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة كما يتناول اليقين والظن لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني كما تثبت غالبا بدليل ظني. Donc le cheikh il explique que c'est quand on dit la science, qu'est-ce que signifie le mot science? Donc là, il va expliquer le terme, chaque terme de la définition individuellement. Donc le mot al-ilm en arabe, c'est la connaissance ou la science, le contraire de l'ignorance et de ses différentes formes. L'ignorance est la différente forme. Il y a qu'est-ce qu'on appelle des fois la science qui est simple. Et il y a la science qui est supplémentaire ou superposée ou doublée. Et la différence entre les deux, c'est que la science simple, l'ignorance simple, c'est l'ignorance du fait de ne pas savoir. Tandis que l'ignorance qui est double, c'est tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est ça le. C'est un degré plus grave d'ignorance. Que la personne, elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Donc, elle pense qu'elle sait correctement la chose, mais sa connaissance, elle est incorrecte. Donc, ça, c'est le double, l'ignorance double. Tandis que l'ignorance simple, elle est plus facile à enrayer. Puisque c'est une personne qui ne sait pas quelque chose, donc tu lui donnes la connaissance et elle accepte et elle prend cette science. Tandis que l'autre, c'est plus compliqué. Il faut lui enlever cette fausse connaissance qu'il a pour la remplacer par la vraie, pour que la personne puisse connaître réellement la chose. Et c'est ça qui demande plus de travail. Donc on appelle ça en arabe al-jahlul basit ou al-jahlul murakkab. La différence entre les deux, c'est ça. Al-jahl al-basit ou al-jahl al-murakkab. Donc les différentes formes, donc la science, c'est le contraire de l'ignorance dans ses différentes formes. Et c'est de connaître une chose telle qu'elle est réellement, d'une connaissance certaine. Et la même manière que si on disait par exemple, je sais très bien que le tout est plus grand que la partie. Le tout est plus grand que la partie. Est-ce que quelqu'un a des doutes lorsqu'il sait que, lorsqu'on lui demande est-ce que le tout est plus grand ou est plus que la partie? Il n'y a pas de doute que n'importe qui va dire c'est vrai. C'est une connaissance certaine. Ou bien que l'intention est une condition dans l'adoration. Ça, c'est une connaissance certaine aussi. Et la science comprend également ce qui est certain et ce qui est possible, ce qui est probable. Parce que les règles pratiques de la charia sont établies par des textes ou des preuves qui sont certaines, et également par des preuves qui sont possibles ou qui sont probables, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement des certitudes, mais qui sont des grandes probabilités. Il dit « وَقَوْلُنَا الْأَحْكَامِ جَمْعُ حُكُمْ وَهُوَ مَطْلُوبُ الشَّارِعِ الْحَكِيمِ أو هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا والمراد بالخطاب عند الفقهاء هو الأثر المرتب عليه كإجاب الصلاة وتحريم القتل وإباحة الأكل واشتراط الوضوء للصلاة. Donc le cheikh il dit que quand on parle des règles, الأحكام, c'est le deuxième terme de la définition, al-ilmu bil-ahkam. Donc al-ahkam, c'est le pluriel du mot hukum en arabe, et on le traduit parfois par un verdict ou un décret ou un jugement, hein, et par une règle, hein, les règles, parfois le pluriel on dit al-ahkam et on le traduit par le mot règle aussi, ou principe ou règle, toutes ces choses sont proches les unes des autres. Et c'est qu'est-ce qu'on veut dire par ce mot-là en arabe lorsqu'on l'utilise? C'est qu'est-ce que Allah exige de nous? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation et dans la révélation, qu'est-ce qu'il a exigé de nous? Et il dit, le cheikh, que c'est également le discours d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est relié aux actes des personnes qui sont responsables parmi les serviteurs. Responsables dans le sens qu'ils sont mukallaf. Ils ont atteint l'âge de puberté, ils ont leur raison, et ils sont musulmans, donc ils sont mukallafin, hein, mukallafoun. Et donc le terme hukum ou ahkam, c'est relié au discours d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est relié aux actes des personnes qui sont responsables de leurs actes dans la charia et qui sont sous la responsabilité de les mettre en application, de mettre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en application, que ce soit des choses qui soient impliquées ou qui soient volontaires ou qui soient des verdicts qui sont pas des obligations, mais qui sont reliées à la validité ou l'invalidité d'un acte, des choses de ce genre. Comme par exemple, les ulama, ils disent, qu'est-ce qu'on veut dire par le discours, c'est, les fuqaha, ils disent que c'est l'effet qui découle de la connaissance d'un verdict. par rapport à la religion. Comme par exemple, le fait que la salat soit obligatoire, par exemple. Ça, c'est un hukum. Quand tu dis que c'est obligatoire, ça, c'est un verdict. C'est une règle. Si tu dis, par exemple, la salat, c'est wajib, ça, c'est un hukum. Si tu dis que la salat, elle est wajib, ça, c'est un hukum. Si tu dis tuer, c'est haram. Donc le tahrim, ça c'est un hukum aussi. Si tu dis manger, c'est mubah, c'est permis, c'est dans le sens que c'est permis dans la religion, c'est correct de manger. Donc ça c'est un hukum aussi, al-ibaha. Ou bien le fait que pour que ta salat soit valable, il y a une condition qui est d'être en état de wudu. Si tu n'as pas le wudu, ta salat elle ne sera pas valide. C'est ce qu'on appelle al-wada', le fait qu'on mentionne qu'une action soit valide ou invalide, ou des choses comme ça. Ensuite, la définition du terme suivant, c'est al-shar'iyya, al-ahkam, al-shar'iyya. Qu'est-ce qu'on veut dire par al-shar'iyya? Le shaykh dit al-ma'khouza min al-shara', c'est-à-dire des verdicts au sujet de qu'est-ce qui est pris de la sharia. Hein, qu'est-ce qui est reçu de la charia, yani qui est peint par, yani recouverte de charia, par la charia. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme al-amaliya? Donc je l'ai traduit par les règles pratiques de la religion. الشيخ الذي أي المتعلقة بالعمل القلبي كالنية أو غير القلبي مما يمارسه الإنسان مثل القراءة والصلاة ونحوهما من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة والمراد أن أكثرها عملي إذ منها ما هو نظري يعني مثل اختلاف الدين مانع من الإرث Donc le cheikh il dit que donc al-amaliya c'est dans le sens de qu'est-ce qui est relié aux actes et aux actions, et ça peut être les actions du cœur comme l'intention ou autre que les actions du cœur parmi ce que les hommes pratique ou mettre en application, comme par exemple les actes du corps et de la langue, par exemple le fait que quelqu'un récite le Coran, fasse la salat et des choses semblables. Tout ça c'est des actions du corps, et ça peut être des actions du corps extérieures ou intérieures. Et qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est que la plupart d'entre elles sont des actes physiques, des actes, des choses qui sont mises en application, et certaines d'entre elles sont, il dit qu'il y en a qui sont plus théoriques, comme le fait qu'on dise par exemple que le fait qu'il y ait une divergence de religion, ça empêche d'hériter de la personne, c'est-à-dire que si quelqu'un meurt et qu'il est d'une autre religion, ça c'est une des choses qui fait qu'il y a un empêchement d'hériter de cette personne, parce qu'on ne peut pas hériter d'un kafir. Et il dit ensuite wa qawluna al-muktasab. Et al-muktasab, ça veut dire qui est acquis, quelque chose qui est pas inné. Il dit صفه للعلم ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد. Qu'est-ce que tu as acquis par la déduction et par l'observation ou bien par l'effort? Donc c'est ça, c'est pas quelque chose qui est acquis de façon innée, c'est quelque chose qui est qui vient par l'effort. Ensuite il dit wa min وقولنا, il dit من أدلتها من أدلتها التفصيلية التي تشمل ما جاء في القرآن والسنة والإجماع والقياس وهذه هي أدلة الفقه مقرونة بمسائله. Donc le cheikh il dit quand on dit min adillatiha at-tafsiliya, c'est-à-dire de ces preuves détaillées qui comprennent ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna et l'ijma, c'est-à-dire le consensus et donc ces preuves du fiqh sont reliées à ces sujets, hein, aux sujets desquels on parle. Donc si c'est des hadiths au sujet de la salat, donc ça va être les hadiths au sujet de la salat et ainsi de suite. On passe maintenant à un autre point. Le cheikh il explique les, hein, toujours par rapport à la définition, bayan muhtarazat ta'rif, muhtarazat ta'rif. Donc il explique donc qu'est-ce que la définition en question exclut. Qu'est-ce qu'elle exclut comme signification? Pourquoi on a choisi cette définition-là et qu'est-ce qui est exclu de cette définition-là? Hein, donc, il dit « Ihtaraza bi'ibarati l'ilm bil-ahkam » يعني عن العلم بالذوات والصفات والأفعال. Donc quand on dit العلم بالأحكام, ça exclut la science des différentes, يعني la science des règles de la sharia. Donc quand on dit la science des règles de la sharia, ça exclut les autres sciences de la religion, comme par exemple la science à propos des êtres, des attributs, des actions, hein, ça c'est différent. Donc la science des règles de la charia, ça exclut les autres sciences qui ne sont pas reliées à ce sujet-là. Wa ihtaraza bish-shar'iyya 'an al-ahkam al-hissiyya mithl الشمس مشرقة والأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء. Donc le cheikh il explique que cette définition elle exclut également, quand on dit بالشرعية الأحكام العلم بالأحكام الشرعية, la connaissance des règles de la sharia, des règles de la législation islamique, on veut dire ici des règles qui sont concrètes, c'est-à-dire comme lorsqu'on dit par exemple le soleil brille, hein, ou bien les règles rationnelles. Les règles rationnelles comme par exemple lorsque tu dis que l'unité est la moitié de deux. L'unité est la moitié de deux. Al-wahid nisful isnayn. Ou bien le fait de dire que le tout est plus grand que la partie du tout. Naam. Ça aussi c'est une règle rationnelle. Ou également les règles linguistiques. Al-ahkam al-lughawiyya aw al-wad'iyya. Comme lorsque tu dis que, ça c'est par exemple les règles grammaticales. En arabe, tu dis al-fa'il marfou. Il dit ici aw al-wad'iyya. Yani aw nisbatan ila amrin aw nisbatan amrin ila akhar ijaban aw salban. مثل زيد قائم أو غير قائم. ou bien quand c'est une chose qui est relative à une autre, que ce soit positif ou négatif, lorsque tu dis, ou bien que ce soit positif ou négatif, dans le sens que ce soit affirmé ou nié, c'est lorsque tu dis, comme par exemple, Zayd est debout, et, ou bien Zayd n'est pas debout. Ça, c'est un exemple de règle grammaticale par rapport à ça. احترز بالعملية عن الأحكام العلمية والاعتقادية كأصول الفقه وأصول الدين كالعلم بكون الله واحدا سميعا بصيرا وتسمى العملية أحيانا الفرعية أو والاعتقادية الأصلية. Donc le cheikh il explique que cette définition elle exclut également par le terme al-amaliya, donc elle exclut, donc il dit que qu'est-ce qu'on faisait par les règles de la charia qui sont pratiques, elle exclut les règles qui sont scientifiques ou reliées à la croyance ou au fondement du fiqh, hein, ou au fondement de la croyance, des choses de ce genre, comme le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, hein, ou qu'il est audient ou voyant. Et on les appelle les règles pratique, parfois, on les appelle aussi al-fara'iyya. Tandis que celles de la croyance, on les appelle al-asliyya. Dit wa ihtaraza bil-muktasab an ilmi Allah ta'ala wa ilmi malaikatih bil-ahkam al-shara'iyya وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد وعلمنا بالبدهيات والضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ونظر كوجوب الصلوات الخمس فلا تسمى هذه المعلومات فقها لأنها غير مكتسبة. Donc ici, le cheikh, il donne comme quatrième point le fait que cette définition, elle est exclue par le terme acquis, yani une science qui vient d'Allah directement. Hein? Une science, comme par exemple la science qui est donnée aux messagers, hein? Ou la science d'Allah elle-même, ou la science des anges, qui est relié aux règles, ou la science du messager sallallahu alayhi wa sallam qui vient de la révélation. Hein? Donc la science d'Allah, elle n'est pas acquise. Allah subhanahu wa ta'ala, il est par lui-même omniscient. Il a toujours su, hein, éternellement toute chose. Donc, c'est pas acquis. C'est pas quelque chose qu'il a eu après être ignorant, après avoir été ignorant. Contrairement aux créatures. De même que la science que possèdent les anges, des règles de la charia, c'est pas quelque chose qu'ils ont acquis dans le sens qu'ils l'ont apprise en étudiant. Yani, c'est quelque chose qu'ils ont reçu comme la science que les messagers ont reçue, c'était une révélation divine. Donc, ils n'ont pas fait des études, hein, pour apprendre cette science, ils n'ont pas lu des livres ou ils ne se sont pas assis avec un professeur pour apprendre ces connaissances. C'est une révélation divine qui leur a été faite. Donc ça, c'est un exemple aussi de qu'est-ce qui est exclu par la définition ici lorsqu'on parle du fiqh, puisque la connaissance du fiqh, c'est une connaissance qui est acquise en étudiant le fiqh. Et il dit ici que également, donc c'est une il dit que ça exclut également donc la connaissance qui est donnée au messager par la révélation et non par l'ijtihad, hein, ou bien par les connaissances des choses qui sont évidentes et élémentaires, ou qui sont des connaissances nécessaires qui ne nécessitent même pas de preuves tellement elles sont connues. Et donc on n'appelle pas ces connaissances-là du fiqh, comme les connaissances qui ne nécessitent pas de preuves ni d'observation, comme par exemple l'obligation des 5 prières par jour. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Le fait de savoir ça, on ne l'appelle pas fiqh, parce que ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Une autre chose qui est exclue dans la définition en question, c'est « min adillatiha at-tafsiliya », c'est-à-dire de ces preuves détaillées. Il dit « an ilm al-muqallid li'a'immat al-ijtihad ». لأن المقلد لم يستدل على كل مسألة يعني على كل مسألة لم يستدل على كل مسألة يعملها بدليل تفصيلي بل بدليل واحد يعم جميع أعمال جميع أعماله وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه. نعم. Donc le cheikh il mentionne que dans la définition en question, le terme min adillatiha at-tafsiliya, de ses preuves détaillées, est exclu la science des gens qui suivent aveuglément les ijtihad des imams des madhahib. Parce que la personne qui est muqallid, c'est-à-dire qui suit un madhab aveuglément, parce que la personne n'a pas de science, eh bien cette personne, elle n'a pas cherché les preuves de qu'est-ce qu'elle suit sur chaque sujet ou chaque question qu'elle pratique avec une preuve détaillée. Mais plutôt la personne... يعني الفاء يجي فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة يعملها بدليل تفصيلي فاش il va pas utiliser comme preuve un détail une preuve détaillée pour chaque chose qu'il fait dans la religion, mais il va utiliser une seule preuve unique qui clarifie toutes ses œuvres, et c'est le fait de demander aux hommes de science. C'est ça sa preuve. Lorsque Allah dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun », c'est-à-dire demander à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc, ensuite, le cheikh il explique, il dit « Wal'ilmu yajibu alayhi al'amal bina'an ala istifta'in minhu ». C'est ça. Il va demander, il dit, بِسُؤَالِ أَهْلِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلْ بِنَاءً عَلَى اسْتِفْتَاءٍ مِنْهُ. Donc, il dit que, c'est-à-dire la personne qui n'a pas de science, elle est exigée de demander à ceux qui savent, parmi les savants, pour avoir la réponse à sa question par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qui vient clarifier qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant par rapport à cette définition-là. Pour qu'elle soit plus claire, le cheikh il a mentionné tout ce que cette définition-là exclut en même temps, pour qu'on comprenne clairement la signification de ce qui est mentionné par chacun des termes de cette définition. وَقَدْ أَصْبَحَ الْفِقْهُ أَخِيرًا كما في قواعد الزركشي معرفة الحوادث نصا واستنباطا على مذهب من المذاهب. dit que le fiqh, dernièrement, c'est devenu, hein, comme c'est mentionné dans le livre des Qawa'id de Az-Zarkashi, il dit que c'est devenu maintenant la connaissance des événements, soit par un texte, ou soit par qu'est-ce qui est déduit, selon un madhhab parmi les madhahib. Donc ça c'est pour la définition du fiqh. Il y a une différence entre le fiqh et usul al-fiqh. Une différence entre le fiqh, la sharia, et usul al-fiqh. Il dit al-farq bayna al-fiqh wa kull min al-shari'ati wa usul al-fiqh. يعني وهو يعني الشيخ يفصله ويبينه. Donc la différence entre les termes fiqh, sharia et usul al-fiqh, c'est les définitions suivantes. Premièrement, al-fiqh هو الجانب العملي من الشريعة. Donc le fiqh, c'est l'aspect pratique de la sharia. D'accord. Le terme sharia هو كل ما شرع الله لعباده من الأحكام سواء كان سواء بالقرآن أم بالسنة وسواء ما تعلق منها يعني ما تعلق منها بكيفية الاعتقاد كعلم التوحيد أو بكيفية العمل كعلم الفقه. Donc le cheikh il explique que le terme sharia, ça c'est plus vaste, c'est plus large. نعم. C'est plus large. Et il dit que la sharia, c'est tout ce qui a été révélé par Allah à son serviteur comme règle. Tout ce qui a été révélé par Allah comme règle à ses serviteurs. Peu importe que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Et il dit, et peu importe qu'il se soit accroché. Et qu'il se soit accroché. Ou que ce soit plutôt relié, peu importe que ce soit relié à la façon de croire, comme la connaissance du tawhid par exemple, ou bien à la façon de faire une action quelconque dans la religion, comme comment faire la salat, comment faire le wudu, comment faire le hajj, et ainsi de suite dans la science du fiqh. Donc ça c'est la définition de la sharia, tout ce qui vient d'Allah comme clarification de la révélation d'Allah à ses serviteurs, que ce soit dans le Coran, dans la Sunna, et il y en a qui est relié au commun, peu importe que ce soit dans la croyance ou dans la pratique religieuse. Ensuite il y a la définition de usul al-fiqh. Qu'est-ce que c'est usul al-fiqh? Usul al-fiqh هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيف الاستفادة منها وحال المستفيد. Donc la science qu'on appelle usul al-fiqh, c'est différent du fiqh. Usul ça veut dire les fondements, et fiqh c'est la compréhension comme on a dit tout à l'heure. Mais la différence entre al-fiqh wa usul al-fiqh, c'est que le fiqh, c'est les détails dans les preuves, les textes qui mentionnent les règles détaillées de chaque question dans le fiqh. Comment faire ci, comment faire ça, avec des preuves. Tandis que usul al-fiqh, c'est les preuves globales de la sharia. Al-adillatul fiqh al-ijmaliyah. Et donc les preuves globales, parce que elle nous indique le verdict des preuves de, c'est-à-dire elle nous indique le verdict des éléments qui sont mentionnés par la sharia. C'est pas par exemple pour savoir le détail de comment prier, mais plutôt pour savoir comment comprendre le verdict qui est relié à la prière. Est-ce que la prière est obligatoire ou recommandée, ou est-ce qu'elle est permise, et ainsi de suite. et c'est quoi le, est-ce que c'est recommandé, ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est détestable? On a besoin de connaître le verdict, et le verdict, c'est par les règles de usul al-fiqh qu'on peut le déterminer. Et il y a aussi, ensuite il dit wa mawdou al-fiqh wa huwa af'al al-mukallafin min haith mutalabatihim biha imma fi'lan kas-salat aw tarkan kal-ghasb aw takhyiran kal-akl والمكلفون هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية ومن هو الفقيه الفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية بالفعل أو تهيأ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة كما لا يطلق الفقه على محدث ولا على مفسر ولا متكلم ولا نحوي ونحوهم. Ok, donc pour terminer, le cheikh il dit que le sujet du fiqh, c'est les actes que font les personnes qui sont responsables et qui sont sous la responsabilité de mettre en application les règles qui sont exigées des serviteurs, soit dans le fait de faire ce qui est ordonné ou d'abandonner ce qui est interdit, ou dans les choses dans lesquelles on a le choix de faire ou de ne pas faire, comme par exemple at-takhyir, le fait qu'on peut faire quelque chose puis on a le choix. Et il dit ensuite qu'est-ce que sont les mukallafoun. Al-mukallafoun, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est ceux qui ont atteint la puberté, qui ont toutes leurs raisons, qui sont musulmans, et donc ils ont certaines actes religieux à faire obligatoirement. Et al-faqih, c'est qui? C'est la personne qui connaît une grande partie des règles de la sharia, et ou bien qui est prêt à les connaître et à les apprendre par les détails des preuves. Et on n'applique pas le terme faqih à quelqu'un qui ne les connaît pas dans cette description là, c'est-à-dire qu'il ne les connaît pas selon cette description, c'est-à-dire détaillée. Aussi, on ne l'applique pas non plus le terme faqih à quelqu'un qui est spécialisé dans un autre domaine, comme dans le muhaddith, ou bien le mufassir, ou bien le mutakallim, ou bien le nahwi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui vient terminer et clôturer la première partie. Au prochain cours, on parlera des différentes références qui sont utilisées dans la charia, comme par exemple le Coran, la Sunna, l'Ijma et le Qiyas. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.